espoir. Je proclame, tu es Dieu, même si les hommes, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Oh, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange. Dans mon jardin, donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu.